Je circule sur une chaussée à trois voies séparée par des lignes discontinues. La voie centrale est réservée au dépassement et je peux donc rencontrer des usagers circulant en sens inverse sur celle-ci. Sur ce type de chaussée, la vitesse est limitée à 90 km/h maximum. Je peux donc circuler à 90 ou 80 km/h. Réponse C et D.